ambassadeur. Une boussole, qu'est-ce que ça montre finalement, si ce n'est justement ça permet de s'orienter. Et ce livre est une orientation, c'est-à-dire retrouver tout simplement le chemin de l'Orient. Vous avez peut-être reconnu la voix de Mathias Hénard, lauréat du Goncourt 2015 pour son dernier roman « Boussole » édité chez Actes Sud. Mathias Hénard qu'on retrouve tout à l'heure aux alentours de 6h15. En deuxième partie, nous continuons notre sélection des premiers romans en faisant le pari que un jour ou l'autre, mais bientôt, j'espère, ils seront primés à leur tour. Et aujourd'hui, je reçois Olivier Demangel pour son premier roman édité par La Fanfare 111. Merci de vous réveiller avec notre jour est possible en ce mercredi 4 novembre. Dans un instant, notre tête chercheuse, Karim Amou, sociologue. Karim Amou, vous êtes avec nous depuis lundi pour cette série consacrée à la Seine-Saint-Denis, 10 ans après les émeutes de Clichy-sous-Bois. Je rappelle que vous êtes sociologue, vous travaillez au CNRS et que vous êtes l'auteur d'un ouvrage de référence publié chez La Découverte, une histoire de rap en France. Et aujourd'hui, on va parler des révoltes urbaines, c'est le troisième épisode, état des lieux et des inégalités résidentielles. Qu'est-ce que vous appelez par inégalité résidentielle ? Inégalité résidentielle, c'est la tendance à ce que les difficultés sociales se concentrent sur certains territoires précis. C'était le constat déjà qui avait été fait par les pouvoirs publics au début des années 80, quand l'ancêtre de ce qu'allait devenir la politique de la ville est née. Et c'est le processus de creusement des inégalités territoriales entre certes certains départements, mais plus encore entre certaines villes ou certaines parties de villes par rapport à d'autres, avec donc concentration d'habitat social, concentration de chômage, concentration de pauvreté et faiblesse croissante depuis une quinzaine d'années des services publics qui soutiennent les populations dans ces quartiers. La Seine-Saint-Denis est à la fois un des départements symboles des zones urbaines sensibles ou de ces quartiers populaires ghettoisés dont on parle. Mais on peut en parler aussi parce que la Seine-Saint-Denis elle-même est marquée par des inégalités territoriales très accusées. À l'intérieur donc. À l'intérieur de la Seine-Saint-Denis. Alors, vous avez choisi pour aujourd'hui un morceau de Sefiu, qui est donc un rappeur plutôt connu. Comment définir d'ailleurs son rap, le rap des rues, Alors effectivement, Sefiu, c'est un artiste très intéressant. Il émerge au milieu des années 2000 comme une figure incontournable de ce qu'on peut appeler à la fois un rap de rue et un rap hardcore. C'est un peu la nouvelle génération du rap hardcore qu'incarnait dans les années 90 le groupe NTM. Lui aussi vient de Seine-Saint-Denis, vient de Clichy-sous-Bois. Et il apporte à la fois une forme très très dure, très cru, un vocabulaire très cru, une forme aussi innovante derrière le choc que peut provoquer ses gimmicks, ses petites expressions, ses petits bruits dont il ponctue ses œuvres. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui a innové dans l'interprétation rappée, et cette forme est au service d'un fond qui vise à faire réfléchir, qui est élaboré en même temps, qui peut perdre l'auditeur, en tout cas qui l'oblige à se poser des questions. Et c'est une des choses que je trouve particulièrement intéressante, non seulement dans ce morceau de Sefiu, mais plus largement dans ses œuvres. Sur plan, c'est ton équipe s'agite, porte fer 9 mm extincteur stratégique. Quand le gaz la crie, mon jeune a séparé les jeunes. Le grand a vu la silhouette de son petit frère, entouré par la crime. Les sœurs crient, la daronne n'en peut plus, le papa ne sait pas qu'une nouvelle va lui couper sa gamelle sur la chaîne de Citroën. La représailles s'annonce logique, objectif d'assassiner ces jeunes ou bien de les rendre tétrapégiques. Mais sur scène, 2% de logements sociaux. Pourquoi parle-t-on jamais aux riches d'intégration? La sécurité à votre commerce, donc ils veulent pas qu'on se casse. Comment décrire la violence, comment décrire des émeutes d'un point de vue artistique, comment faire sentir ce que peut représenter un événement de cette gravité, de cette violence. On a un certain nombre de propositions dans ce morceau de Sefiu, on a des éléments de réponse. En tout cas, Sefiu, par ce morceau-là, puisque c'est bien la thématique de ce morceau, l'insécurité, c'est bien la question des émeutes et des révoltes urbaines, une atmosphère musicale oppressante, sombre, agressive, des bruits de bris de verre, des bruits d'armes à feu, et puis cette voix grave qui semble venir d'outre-tombe et en même temps qui a un accent accusé, qu'on pourrait dire un accent accusé populaire ou un accent de banlieue. Voilà, ces Few jouent de tout ça et jouent de tout ça pour amener aussi l'auditeur à ressentir ce sentiment d'oppression, ce sentiment aussi de désespoir face à la violence de la situation, mais aussi pour l'amener à interroger un certain nombre de choses. Inégalité résidentielle, hein, on parlait de ça tout à l'heure. Alors là, on a ce petit clin d'œil, 2% de logements sociaux à Neuilly-sur-Seine. Effectivement, là, on est en plein cœur de la question des inégalités résidentielles. Qui est ce Few ? Alors, c'est Few, c'est un rappeur qui a souvent eu à cœur de dénoncer des choses dans ses paroles, mais qui ne s'est jamais limité à ça. Il a des morceaux qui sont vraiment, je redis l'expression parce que c'est vraiment emblématique d'un certain rap, ego trip, c'est-à-dire où c'est essentiellement la forme et la performance verbale qui prime. Je pense au morceau Molotov 4, qui était un single de son deuxième album. Donc, c'est un rappeur assez emblématique de ce que peut être le rap dans ces années 2000, un rap de rue qui travaille l'imaginaire de la délinquance et des violences dans les banlieues, mais un rap de rue qui est en même temps, dans le cas de ces Few, vraiment conscient du travail sur la forme et vraiment conscient de pointer du doigt un certain nombre de questions de fond, plutôt que d'apporter des réponses d'ailleurs. C'est une des choses que moi je trouve très intéressante avec ce morceau, c'est que ce n'est pas un morceau à thèse. C'est pas simple quand on l'écoute, même plusieurs fois, ou quand on lit les paroles, de savoir où exactement ces Few veut nous amener. Ça oblige à se poser des questions, à se situer, parfois à se situer contre certains arguments. C'est un morceau où il y a en réalité beaucoup d'autodérision, où il y a des paradoxes et pas seulement de la dénonciation. Un constat n'est jamais qu'un constat. C'est aussi une façon de diriger le regard, de vouloir montrer certaines choses. Par exemple, pointer du doigt par la formule tétraplégique les effets de la généralisation des flashballs dans l'armement de la police. Alors, le succès de ces Few, c'est un succès qui est dû au fond ou à la forme ? Ah ben, je pense que c'est indissociablement les deux. C'est bien en ça que c'est un artiste complet, un artiste qui a eu un succès très important. C'est une forme qui interpelle, qui peut choquer. Et dans le paysage médiatique actuel, savoir choquer, c'est une ressource cruciale, que ce soit dans les mondes artistiques ou dans les mondes politiques ou dans les mondes médiatiques. C'est ce qu'on appelle le règne du buzz, et les rappeurs n'y échappent pas. Et en même temps, c'est la force de ses propositions artistiques, c'est la qualité de ses interprétations, de sa performance vocale, donc de son flow. C'est aussi la capacité de ses paroles à interpeller des gens et à, après le premier effet choc, à se rendre compte qu'il y a matière à réécouter et à apprécier à plusieurs niveaux cette chanson. Et finalement, c'est non pas codé de telle façon que seuls des jeunes peuvent le comprendre, mais c'est codé de telle façon que seuls des amateurs de rap peuvent comprendre en première écoute. Et ça, c'est quelque chose qui est rendu possible à la fin des années 90, parce qu'on a un monde social du rap qui se structure, qui s'étend, où il y a de plus en plus d'artistes, et donc où la concurrence entre artistes se fait de plus en plus aiguisée, et donc où se distinguer par la forme, aller plus loin dans les jeux sur le travail de la voix, sur sa gutturalité par exemple dans le cas de ces Few, dans l'utilisation de bruits, notamment d'armes à feu comme base instrumentale, tout ça est un imaginaire qui est travaillé de plus en plus par des artistes qui cherchent à se distinguer les uns des autres. Oh, l'insécurité, un fonds de commerce dont ils veulent pas qu'on se casse. L'insécurité, un fonds de commerce dont ils veulent pas qu'on se casse, c'est à la fois un clin d'œil à la formule d'extrême droite « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Alors on a l'impression que ces Few valident cette affirmation-là. Et en même temps, c'est une façon de dire qui est-ce qu'on sert lorsque des violences se perpétuent. La chanson évoque en particulier les violences entre jeunes, les armes à feu dans les quartiers populaires, etc. Et en même temps, en réalité, si on prend la thématique de l'ensemble du morceau, on a l'impression que finalement, d'où est-ce qu'on ne voudrait pas qu'on se casse ? Est-ce que c'est vraiment de France ou est-ce que c'est plutôt du ghetto ? Et en fait, l'ensemble de la chanson parle plutôt de ghetto et de ghettoisation. Et finalement, c'est peut-être plutôt le fait d'être enfermé dans le ghetto et d'y rester que ces Few pointent comme peut-être un enjeu politique pour certains groupes qui ont intérêt à ce que les ghettos restent des ghettos, restent repliés sur eux-mêmes et que les conditions de vie et les violences y soient de plus en plus accusées. Merci Karim Amou. Demain, on se retrouve pour le quatrième épisode de cette série consacrée à la Seine-Saint-Denis. Et demain, toujours à travers le rap, on parlera de la mémoire des luttes ouvrières. Et Et un petit retour sur les prix littéraires. Hier donc, Mathias Hénard s'est vu décerner le Goncourt 2015 pour Boussole et le prix Renaudot est allé à Delphine de Vigan pour D'après une histoire vraie. Mathias Hénard, dans un instant, dans Un autre jour est possible. Mathias Hénard, de bon matin, bravo. S'il fallait parler maintenant de Boussole, parlez-nous du protagoniste de votre roman, Mathias Hénard. Franz Ritter est un musicologue viennois. Il est insomniaque, un peu peut-être malade, en tout cas un peu hypochondriaque. Il est dans sa chambre, dans son appartement, et il a reçu le matin même un article, une lettre en papier de la femme qu'il aime et qu'il a aimée pendant de très nombreuses années. Et inquiété à la fois par son état de santé par les nouvelles qu'il vient de recevoir de cette femme, il va passer la nuit à penser à elle et va nous raconter, un peu comme Scheherazade au sultan Shahriar, sa vie, son amour, ses amours. Et sa passion pour la musique, la littérature et tout ce qui nous vient de l'Est. Alors, votre désir d'Orient, s'il fallait parler de ce désir d'Orient que vous avez eu, Mathias Hénard, parce que vous parlez très bien la langue arabe, vous pouvez même traduire du français de d'autres langues à la langue arabe, c'est né comment ? Moi, c'est vraiment une rencontre liée au hasard, c'est un peu un destin, si on croit au destin. Au maktoub, ou au karma. Et je viens de l'ouest de la France, une petite ville qui s'appelle Niort, et dans laquelle rien ne me prédisposait ni au grand voyage, ni aux rencontres avec l'Orient arabe. Et j'ai fait des études d'abord d'histoire de l'art. Et en histoire de l'art, il y avait une matière qui me plaisait beaucoup, qui était art de l'islam. Et à partir de là, j'en suis venu à la langue arabe, qui m'a absolument passionné, dont l'étude m'a absolument passionné. Et c'était vraiment une espèce de découverte très exotique de voir, d'apprendre l'évolution des mosquées, l'histoire, l'évolution du minaret, les différents types d'écriture d'arabe, la calligraphie. Et donc je découvrais tout cela un peu comme quelqu'un fait un voyage immobile en France, à Paris. Et dans la langue, dès que je me suis intéressé, c'est produit, je pense, un phénomène, en tout cas, assez rare pour moi, qui est que j'ai tout de suite, par une espèce d'adéquation intérieure difficile à expliquer, j'ai tout de suite aimé l'arabe et tout de suite communiqué avec cet alphabet, cette phonétique, ces mots, et à un point que ça ne m'a plus jamais quitté. Comment on dit « un autre jour est possible » en arabe ? « Yom akhar mumkin ». Et en farsi ?« Ruze digar ruze digar khairi mumkin ». En espagnol ?« Un autre día es posible ». En anglais ? En catalan, je vais vous le faire « Un autre día es posible ». Et en anglais ?« Another day is possible ». Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? Parce que vous maîtrisez combien de langues, Mathias Hénard ? Ça dépend ce qu'on appelle maîtriser. Parler. Parler, lire. Parler mal. Du coup, parler mal, j'en parle pas mal. Après, lire, c'est autre chose. La lecture, c'est quelque chose de compliqué. Justement, parce que la littérature a des possibilités infinies de s'intéresser à tous les objets du réel. Et donc, ça demande vraiment une maîtrise de la langue que j'ai assez peu. Lire en profitant, peut-être je peux le faire dans 3-4 langues, mais pas plus. Et pour écrire ? Vous avez déjà écrit en espagnol. Est-ce que vous pouvez écrire un roman en arabe ? Non. Non, je ne pourrais pas écrire. En fait, j'écris en français, bien sûr. C'est parce que ma vie peut-être se déroule hors de France depuis bientôt 25 ans. Mais vous habitez à Barcelone ? J'habite à Barcelone. Avant, j'habitais en Syrie, au Liban. Mais je suis toujours attaché à la langue française, peut-être parce que c'est justement ce qui me reste de ma patrie d'origine. Et aussi parce que mon français s'est évidemment contaminé un peu de toutes ces langues étrangères dans lesquelles j'évolue. Enrichi ou contaminé ? Les deux, bien sûr. Et j'aime cette idée que voilà, mon français n'appartient qu'à moi et il émane de moi et donc il est aussi nourri de ses apports étrangers. Et maintenant que vous avez ce grand prix, Mathias Hénard, qu'est-ce que vous espérez ? Parce que l'idée, c'est de se dire, mon Dieu, si jamais ce livre est lu par beaucoup de lecteurs en France et dans le monde francophone, c'est peut-être pour avoir une meilleure compréhension ou une autre compréhension des rapports entre l'Orient et l'Occident, mais c'est peut-être ma lecture à moi. Moi, ce qui me ferait plaisir dans la lecture de ce livre, s'il arrive, il est déjà beaucoup lu, hein, et s'il a un destin qui dure, c'est justement de déplacer un peu le débat. Que l'Orient, le monde arabe, le monde musulman, ne soit plus vu par l'Europe et les médias européens comme juste un régiment de barbus assoiffé de sang, c'est un peu ce qui ressort des pages des journaux aujourd'hui, mais comme un monde avec lequel on a toujours communiqué, toujours échangé, à des niveaux très divers, et notamment sur le plan du savoir et de la culture. Mabrouk, vous savez ce que ça veut dire. Allah yubarak fik. Félicitations, merci Mathias Hénard. Merci à vous. Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour. Et vous, Olivier de Mangel, vous accordez un crédit au prix littéraire ? C'est l'actualité que vous suivez ? Absolument pas. Bon. Et pourtant, ça y est, vous êtes écrivain. Votre premier roman vient de sortir. C'est vrai. C'est vrai Ça veut dire quoi, c'est vrai? Non, c'est vrai, non, je m'y intéresse comme un petit peu. Le roman a été sélectionné pour le prix Médicis, ouais. Mais il a été enlevé de la deuxième liste. Et alors, comment vous avez réagi? Bon, assez bien, parce que je comprenais déjà pas très bien pourquoi est-ce qu'il avait été sélectionné, donc c'est pas de la fausse modestie, mais je sais pas, c'est un roman assez particulier dans ce qu'il propose, donc j'étais déjà assez content qu'il ait eu cette audience, surtout que c'est une maison d'édition qui vient d'ouvrir et que... La Fanfare, ouais. La Fanfare, voilà. Et votre roman, nous l'avons sélectionné dans notre petite semaine consacrée au premier roman de la rentrée, mais ça n'a pas été facile, Olivier de Mangel, de vous faire venir à la radio pour vous faire votre première radio. C'est vrai. Pourquoi ? Je sais pas, parce que j'ai pas tellement l'habitude de parler de mon travail, mais j'ai jamais considéré que les auteurs étaient les mieux à même de parler de leurs textes. Ou de les résumer, c'est la même chose dans tous les textes que j'écris. J'ai toujours un peu de difficulté, non pas à les défendre, mais j'aime bien l'idée qu'ils soient après, que le public en parle ou lire des retours plutôt que d'en parler moi-même. Voilà. 111, c'est le titre de votre roman, premier roman. 111, comme les 111 brefs chapitres ou fragments qui composent ce roman divisé en deux parties. Une écriture étonnamment neutre nous entraîne dans un monde étrange. Géolocalisation impossible, calendrier incertain, espace et époque indéterminée. Il y a juste un groupe d'individus qui arpentent sans interruption une lande, jour après jour. Pourquoi ? On ne sait pas. Où vont-ils ? On ne sait pas. Que cherchent-ils ? On ne sait pas. Personne ne le sait, pas même le groupe des 11 observateurs auxquels appartient le narrateur. Alors une fois qu'on est rentré dans cet univers, une question se pose. Mais qui sont-ils ? On a envie de savoir qui sont ces gens qui avancent par groupe. Dans quel monde sommes-nous ? Dans quelle époque ? Oui, alors peut-être il faudrait que je précise très rapidement la partition du roman en deux parties quand même rapidement. Il y a deux styles assez distincts, je trouve. Enfin, en tout cas, que j'ai essayé d'expérimenter. Le premier de la première partie qui s'intitule La Marche, qui ressemblerait plutôt à un traité d'ethnographie fantasque, ou disons décalé sur la population dont vous venez de parler. Et puis le second qui s'apparente vraiment beaucoup plus à l'épopée. Et qui est d'ailleurs découpé comme dans certaines épopées où jour par jour, chaque paragraphe commençant par la même ritournelle de l'implacabilité du temps et du destin qui s'avance. La ça, deuxième partie chose. Qui est intitulée qui La Guerre. La guerre voilà. Et là, cette fois-ci, les observateurs et les observés vont s'affronter. C'est ça. D'abord, cette population donc, que vous avez décrite, il va se passer cette chose à la fin de la première partie qui est qu'elle va rencontrer une population identique à elle, exactement au milieu du chemin où ils marchent, et du coup, c'est très simple, ils vont s'interrompre mutuellement, et comme ils ont toujours l'habitude d'avancer, qu'ils ne reculent strictement jamais, puisqu'on se demande même parfois s'ils ne tournent pas simplement en rond, en fait, de cette confrontation, ils vont découvrir l'altérité, et de l'altérité, ils vont en passer rapidement à la guerre. Comme si la guerre était peut-être une des premières formes d'altérité ou de société. Pour répondre à votre question, j'ai toujours refusé de croire que de déterminer si l'époque était préhistorique ou post-apocalyptique, de la même manière qu'elle a des apparences bibliques aussi parfois, même si c'est sans prétention, mais je me suis aussi beaucoup inspiré de passages de la Bible, notamment à la fin, que je vais pas dévoiler. Et en fait, j'en avais pas envie parce que la première chose que je recherchais, c'était à déterminer une certaine forme d'abstraction, qui est une forme qui est pas si courante en littérature, je crois, et qui consiste à, disons, à, un peu comme dans la peinture abstraite, à décrire une population qui n'aurait pas de référent particulier. Ensuite, du point de vue de la description que j'en ai donnée, je suis beaucoup parti au début parce que c'était la, je l'ai d'ailleurs cité en épigraphe de L'espèce humaine de Robert Antelme, une source d'inspiration en particulier, c'était tous ces travaux qui ont été faits sur les marches de la mort après la libération des camps de Pologne, quand tous ces juifs se sont retrouvés sur les routes et qu'ils se faisaient abattre dès qu'ils pouvaient plus marcher et qui pour la plupart étaient réduits à ce qu'ils appelaient dans les camps les musulmans, que Primo Levi décrit beaucoup, qui sont des êtres repliés sur eux-mêmes, qui n'ont plus de pensée, qui sont uniquement obnubilés par la faim et par leur survie, donc quelque chose qui n'a presque plus rien d'humain en fait. Et c'était plutôt ça, c'est pour ça que quelque part c'est ni préhistorique ni post-apocalyptique, je dirais que c'est purement actuel. Là. Et que les échos de ce que, au moment où le roman est sorti, de voir ces populations marcher en... Ouais, les migrants en Hongrie, par exemple, sur les routes, sur les... Alors c'est évidemment, je mentirais en disant que c'était une source d'inspiration, mais dans ce phénomène migratoire, ou dans ce... Il y a quand même quelque chose de l'ordre du dénuement. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était, au-delà de la description de cette population, la confrontation entre cette population et ceux qui les observent. Parce qu'il y a toute l'arrogance du... Alors, ce serait beaucoup de dire l'arrogance de l'Occident, mais il y a quelque chose de cet ordre-là dans ces observateurs qui consignent méticuleusement, qui sont un peu comme les observateurs de l'ONU. C'est-à-dire qu'ils ont devoir de non-ingérence, ils ont absolument interdiction de s'approcher, et ils notent les pires horreurs sans pratiquement aucune empathie, ou alors avec une empathie qui est presque feinte. Et d'ailleurs, il y a quelque chose aussi de... Alors, sans parler de moi, mais il y a quelque chose de très très très paradoxalement autobiographique là-dedans aussi, c'est que comme j'ai fait des études assez, disons, poussées au départ, que je me sentais en fait il y avait quelque chose dont je me sentais très loin de l'incarnation, disons. Et le roman raconte une incarnation. Il raconte, puisque je l'ai écrit sur une dizaine d'années, donc pratiquement de mes 20 ans à mes 30 ans, il raconte le passage de l'utopie distante d'un jeune de 20 ans à la lucidité de quelqu'un de 30 ans, ou un début de lucidité, disons. Donc c'est vraiment ce passage de l'abstraction à l'incarnation qui m'intéressait. Mais est-ce que vous l'avez vécu au fil de ces années-là, ces 10 années? Est-ce que ça a été vraiment pour vous un roman initiatique, Olivier de Mangel? Oui, complètement, parce que je l'ai commencé à une époque où... J'avais absolument pas la même vie que j'avais quand je l'ai fini. Et du coup, comme je l'ai repris, alors quand je dis que je l'ai écrit pendant 10 ans, ça veut pas dire que j'ai mis 10 ans à l'écrire, mais je l'ai abandonné, puis repris. Et puis d'ailleurs, il y a un moment où il y a La Route de Cormac McCarthy qui a été édité. Je me suis dit que j'allais tout arrêter parce que c'était trop proche. Donc il y a eu plein de moments comme ça où je me suis arrêté. Mais à chaque fois que je l'ai repris, j'ai toujours repris en y injectant de nouvelles choses, en fait. Mais dans le contenu même des paragraphes, parce que la structure générale, je l'avais posée au tout début. Alors, et je ne l'ai jamais touché. Est-ce que vous vous souvenez du sentiment ou de l'envie qui vous animait au moment où vous avez décidé d'écrire ce roman, 111? Vous vouliez dire quelque chose ou vous vouliez écrire quelque chose? Je ne sais pas si on peut vouloir écrire sans dire et dire sans écrire, mais... Disons que, alors effectivement c'est difficile parce que ça remonte à il y a maintenant quand même très longtemps, un tiers de ma jeune vie. Et j'ai plus de souvenirs exacts en fait, et je les ai cherchés avant de venir vous voir, de traces que j'aurais laissées, de pour quelles raisons je me suis lancé là-dedans, parce que j'écris beaucoup de choses en fait, beaucoup de projets que j'abandonne aussi, et de... Donc c'en est un auquel j'étais très attaché parce que je pense qu'il était... il me faisait penser un peu à la manière dont Spinoza jouait avec des araignées quand il était enfermé, parce que à ce moment-là, je vais, ça peut-être on coupera, mais je fais juste une parenthèse biographique, mais à l'époque, j'étais à Normale Sup et je vivais tout seul avec mon fils que j'avais eu à 20 ans. Et du coup, ça me mettait dans une certaine forme d'enfermement le soir, mais parce que je pouvais pas faire grand chose, parce qu'en plus, j'étais pas très riche, donc j'avais pas de possibilité de payer beaucoup de nounous. Et du coup, je me souviens que c'était un texte que j'écrivais beaucoup comme ça, exactement comme Spinoza avec ses araignées, et où cette espèce de rapport que j'avais à ces personnages était presque une obsession méticuleuse de réussir à être le plus précis possible sur les souffrances qu'ils éprouvaient. Voilà. Je rappelle que vous avez 32 ans et on va voir votre humeur du jour à travers le questionnaire de cette petite boîte. Vous allez choisir 3 questions et on va voir ce que ça va donner. Que lisez-vous en ce moment? Alors, je termine Nuit de Ilsenrath, qui est un de mes auteurs favoris. Et je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est un ouvrage absolument splendide. Pourquoi? Parce qu'il a dans sa manière de... Alors, il y a beaucoup d'échos avec Sons. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un roman qui décrit la vie dans un ghetto de Pologne entre 42 et 44 et qui est une suite d'histoires et de récits, de descriptions pas du tout morbides et dans une logique de survie avec de l'humour qui est absolument fantastique. Deuxième question. Est-ce que vous dansez? Absolument pas. Et pourquoi? Je déteste ça. Depuis toujours? Depuis toujours, ouais. J'ai jamais fait un pas. J'ai jamais dansé qu'avec le doigt. Comment vous l'expliquez? Timidité? Ah oui, c'est sûr. Non, et puis j'ai pas du tout un rapport au corps en particulier. Je sais pas, j'ai pas un rapport physique à la danse et il y a une forme de libération de soi là-dedans qui est très loin de moi. Troisième et dernière question. Il faudrait que je tombe sur cette question parce que c'est drôle quand même. Alors, aimeriez-vous changer de ville? J'ai déjà beaucoup changé de ville, enfin pas beaucoup, mais je suis pas du tout parisien. Je suis arrivé des Vosges à Strasbourg quand j'avais 16 ans. Et ensuite, je suis arrivé à Paris quand j'en avais 20. Et j'ai pour l'instant pas tellement envie d'en changer. Et si j'en change, ce sera pour aller écrire dans une maison en province, ailleurs. Mais pour l'instant, j'ai pas du tout envie d'en changer. Alors vous qui avez hésité longtemps avant de venir à cette émission, est-ce que vous le regrettez? Non, ça va. Ça s'est bien passé. Plutôt, je crois. Sons. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Mais pas du tout. Sons d'Olivier de Mangel, c'est édité par Jacques Binstock, oui, qui est un éditeur très bon éditeur. Très bien. Et bien, vous allez nous faire le générique de fin de l'émission, Olivier de Mangel. Qu'est-ce que c'est le générique de fin de l'émission? C'est ça. Il faut lire ce texte. C'était un autre jour est possible. Votre réveil culturel tous les jours de la semaine de 6h à 6h30. Et quand vous voulez, avec l'écoute en ligne et le podcast sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux habituels. Un autre jour est possible, une émission de Toufi Kakem, préparée avec Pascaline Bonnet. Prise de son, Michel Maître. Réalisation, Thomas Duterre. Et demain, on se retrouve avec, en première partie, le sociologue Karim Amou pour parler de la Seine-Saint-Denis. Et en deuxième partie, suite de notre sélection des premiers romans de la rentrée. Et demain, je recevrai Anne Dufour-Mantel pour son roman publié chez Albin Michel, L'envers du feu. L'avez-vous lu, Olivier de Mangel? Non. Je vous le recommande vivement. Merci de passer ce matin. Merci à vous. Bonne matinée, à demain.